Stephen King aime les zombies, Stephen King aime les téléphones portables, Stephen King a écrit Cellulaire et Todd Williams l'a adapté. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Vidéo Club de Castle Rock. Je suis avec Chris de nouveau, bonjour. Et salut. Comment vas-tu? Bah écoute, ça va après ce long hiatus. Ouais, on s'en excuse, voilà, la vie suit son cours, les contraintes de la vie, ça a fait qu'on n'a pas pu trop enregistrer avant, c'est ça. A eu du mal à se réunir. Et on s'excuse surtout parce qu'on revient pour parler du film Cellulaire, donc bon... Ouais, c'est vrai qu'on revient pas sur un épisode sur la meilleure des œuvres, on va dire. On ça aurait pu être pire, on aurait pu recommencer sur... je sais pas, bon, on a fait tous les Mangleurs, mais sur Un enfant du maïs, par exemple. C'est vrai. Voilà. Ou sur Dr. Sleep. Ou sur Dr. Sleep, une deuxième adaptation qui serait sortie dans l'intervalle. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Bon, bah, je propose qu'on y aille tout de suite. On va se lancer donc dans Cellulaire, qui est un roman écrit en 2006, enfin sorti en 2006, et le film Cell, l'appel des zombies, est sorti en 2016. Il est réalisé par Todd Williams et il dure 98 minutes, et nous allons spoiler le livre et le film, comme d'habitude. On y va ? On y va. Alors, Cellulaire nous raconte l'histoire de Clayton Riddle, un dessinateur de comics du Maine qui est à Boston pour vendre une de ses BD quand il y a une épidémie qui se déclenche qui va transformer tous les gens en zombies, hein, littéralement, via leur téléphone portable. Il va rencontrer un homme appelé Thomas McCourt et une adolescente, Alice, et il va tenter avec eux deux de fuir pour retrouver son fils qui est resté avec sa femme, enfin son ancienne femme, à la maison qu'ils habitent. Dans le Maine. Donc le livre est une sorte de road movie de zombies avec différentes étapes du voyage des deux personnages qui vont rencontrer différentes personnes, qui vont peu à peu en apprendre plus sur les zombies, sur leur fonctionnement. Il y a l'idée intéressante que les zombies fonctionnent en sorte de meute. Un dessin. Dessin, voilà. Et peu à peu, ils vont trouver comment, peut-être, essayer de les affronter. Oui. Alors l'idée du roman est venue à King alors qu'il était à New York en voyant une personne dans la rue qui semblait parler toute seule mais qui en réalité était en train d'utiliser un téléphone avec oreillette. On est au début des années 2000 donc effectivement oui. Les oreillettes c'est encore quelque chose de pas répandu et moi-même encore aujourd'hui quand je vois quelqu'un parler dans la rue avec une oreillette je me dis tiens il parle tout seul quoi. Oui ça peut... C'est vrai qu'aujourd'hui c'est moins fréquent quand même de se faire cette réflexion là mais oui au début des années 2000 effectivement on peut comprendre que ça l'ait fait un petit peu réfléchir. C'est ça, en fait, il avait été marqué par l'image et donc il décide d'écrire un livre comme si réellement des gens en costume, en fait, dans la rue pouvaient devenir fous pour une raison liée au portable. Il commence l'écriture le 30 décembre 2004 et le termine le 17 octobre 2005. Et au cours de l'écriture, petite anecdote rigolote, il y a une vente aux enchères qui est organisée sur eBay afin de soutenir une association caritative appelée le First Amendment Project, donc c'est sur la liberté d'expression. En fait, il y a plusieurs romanciers et romancières qui vendaient des choses liées à leur prochain livre, et dans le cas de King, c'était qu'un des personnages de son roman aurait le nom et la description physique de la personne qui gagnerait l'enchère. Donc pour lire l'annonce telle qu'il l'avait faite, le nom d'un et un seul personnage dans un roman appelé Cellulaire, en cours d'écriture et qui sortira en 2007 ou 2008, finalement ça a été 2006, les enchérisseurs doivent savoir que Cellulaire est un roman violent avec des zombies activés par des signaux téléphoniques qui détruisent le cerveau. C'est comme un mauvais whisky, aussi brut que plaisant. Le personnage peut être masculin ou féminin, mais si l'acheteuse veut mourir, il faut que ce soit une femme. Dans tous les cas, je demanderai une description physique du gagnant, ainsi qu'un surnom, il peut être inventé, je m'en fiche. Et la gagnante, c'est Pam Alexander, qui va donner 25 100 $, et qui offre ce cadeau en fait à son frère Ray Wizenga, qui deviendra le nom en fait d'un spécialiste du massacre de zombies qui apparaît dans le deuxième tiers du roman. En fait, les héros voyagent un petit temps avec lui, et c'est lui qui leur fournit le bus piégé à la fin. Ouais. Qui dans le film finit mal. Enfin, dans le roman aussi d'ailleurs. Oui, dans le roman aussi, il meurt en aidant les autres à s'échapper. Et j'imagine que si c'était une femme qui mourait, l'autre personnage, c'est qu'il prévoyait éventuellement de donner le nom pour Alice, puisqu'elle meurt en cours de route. Oui. Et il devait déjà le savoir à l'époque, puisque c'est un des personnages importants. Le livre va rester 10 semaines sur la liste des best-sellers du New York Times, dont 3 à la première place, et selon Publisher Weekly, c'est la 8e meilleure vente de romans pour l'année 2006. Il divise pas mal. Il y en a notamment qui vont le comparer au Fléau, l'autre roman de fin du monde de King, et son aspect série B, bah, ça va plaire à certaines critiques, et au contraire, ça va pas mal déplaire à d'autres. Globalement, l'aspect un peu parano-technologique, par contre, c'est quelque chose qui, quand c'est souligné, est souligné de manière positive. Visiblement, King a reçu pas mal de plaintes de fans concernant la fin du roman, au point que King s'en serait justifié dans un post de blog, mais j'ai pas réussi à retrouver ce post de blog, donc j'ai pas réussi à voir ce qu'il en disait. Mais bon, on va passer à nos avis, on parlera de cette fin, j'imagine. Chris, je t'écoute. Eh ben, personnellement, je fais partie donc, des gens qui ont apprécié Cellulaire pour justement cet aspect série B que t'as souligné dans les avis positifs émis pour le roman. C'est vraiment en fait l'un, si ce n'est même peut-être le seul roman de King où à la lecture et à la fin de la lecture, je me suis dit « Ah, c'était cool !» Ouais. C'est pas un mot que j'emploie souvent quand il s'agit d'une écriture, d'un écrit de King. Cool, cool, fun. Ouais, c'est ça, c'est vrai que c'est pas ce à quoi on pense le plus. Voilà, et pourtant, en fait, c'est exactement ce que j'ai ressenti à la lecture de King. Et du coup, le fait que j'ai apprécié, bah, forcément, j'aime tout ce qui est série B, cinéma bis à fond. Et il n'y avait pas d'autre choix, en fait, que le roman ne me plaise. Et je pense qu'en fait ça va être pareil pour toi, te connaissant. Oui, c'est ça. Bah, d'ailleurs, je ne l'ai pas signalé, mais il est dédié à Romero comme oui. roman. Hein. Donc, voilà, la référence est claire. Clairement. Et effectivement, c'est très fun, c'est très bien rythmé. On a souvent signalé que King aimait bien des débuts qui prennent leur temps. Cellulaire, c'est l'exact inverse. Deuxième page, il y a les premiers zombies qui apparaissent. Dès la 10e page, c'est le chaos complet. Ah oui. C'est un roman très gore. Ouais, vraiment, ouais, dans les descriptifs, les scènes de massacre, des fois, sont détaillées vraiment à fond. Bah, comme ce serait dans un film de zombies décomplexé, ouais. En fait. Tu sens vraiment, c'est exactement ça, tu sens vraiment l'hommage à Romero, quoi, pour le ouais. coup, sur cet aspect-là. Et ça renforce cet aspect bis, fun, décomplexé, on se prend pas la tête, quoi. Et en même temps, il arrive quand même à créer des personnages que je trouve assez attachants, c'est-à-dire Clayton bah, qui recherche son fils, voilà, c'est plutôt marquant. Moi, j'aime bien la fin, justement, une fin ouverte. Donc, qui est une fin ouverte. Pour résumer, les essaims et le chef des zombies, l'homme décharné, sont au moins en grande partie vaincus grâce au bus explosif. Clayton va par contre retrouver son fils, mais qui est toujours, sous l'emprise du sort, de l'impulsion. Parce que c'est comme ça qu'on. On les appelle les phonistes, je crois. Ouais, ceux qui les phonistes. Touchés. Et bah, il va voyager avec lui en se disant il va se remettre petit à petit, ça va passer au fur et à mesure que l'impulsion va disparaître, ce qui n'est pas le cas, et donc la fin du roman, c'est Clayton qui décide de tenter le tout pour le tout et de remettre un téléphone portable à l'oreille de son fils, et ça se termine là-dessus, en fait. On ne sait pas si ça marche ou non. Voilà, parce qu'il y a cette hypothèse que peut-être que si un phoniste réentend l'impulsion, ça va rebooter son cerveau. Voilà, c'est ça. Voilà, parce qu'il y a cet aspect un petit peu arme technologique de l'impulsion, qui est que ça reboote le cerveau humain pour nous transformer en quelque chose d'incontrôlable. Ouais, c'est ça. Il y a cet aspect-là. Il y a un personnage, d'ailleurs, qui l'évoque, qui considère l'impulsion comme une espèce de virus... techno-organique. Oui, je crois que c'est le prof de fac. Un virus qui passerait du coup de la machine à l'homme. Cette quête principale est intéressante. La mort du personnage d'Alice, je trouve qu'elle marche bien, elle est assez frappante, d'autant qu'elle Bah, dans le sens positif, elle sort totalement de nulle part, en fait. Elle n'est pas du tout préparée. C'est totalement super. Ils sont sur la route, il y a une bande de connards qui passe en camion, qui balance des caillasses, et elle meurt comme ça, en fait. Bah, c'est une mort à la... C'est une mort à la Walking Dead, en fait. C'est ça, ouais. Ça surgit pour reprendre quelque chose, un récit de zombie, où des fois des événements pouvaient arriver comme ça sans s'y attendre. C'est une mort à la Walking Dead. Ce qui est plutôt intéressant, en fait, ça installe bien l'idée que les personnages, en fait, peuvent disparaître à tout moment sur un claquement de doigts. Oui. Donc, c'est la succession des différentes étapes est cool. Alors, ça va reprendre, en fait, dans l'ensemble, ça fonctionne de la même manière. Les personnages vont voyager et vont arriver dans un lieu qui va servir de terrain de combat contre les prochains zombies. Et à chaque fois, ça prend bien le temps d'installer le lieu, d'installer une ambiance différente. Ça commence avec un hôtel barricadé, ils se réfugient d'abord dans un hôtel. Là, il y a un côté un peu empêcher les zombies de rentrer. Il y a l'étape de la fac, que je trouve très très bien, où il y a tout un essaim de zombies qui est endormi, et où ils vont le détruire en y foutant le feu et en roulant dessus, littéralement. Oui. Enfin, à chaque fois, il y a un peu d'effort. C'est là où on commence à comprendre comment les zombies fonctionnent, d'ailleurs. Ouais. Qu'ils ont un esprit de meute et que donc en neutraliser un c'est alerter tous les autres, c'est alerter les autres, ouais. Voilà. Surtout s'ils te voient, ouais. Et puis bah, comme ils ont des sens un peu étranges, c'est dur de leur échapper, oui. Mais donc ouais, c'est un roman qui est fun tout du long, qui est bien écrit, qui a pas de temps mort. Il est, pour du King, il est pas très long. Il y a du coup il y a ce côté pour le coup je ne suis pas d'accord. Beaucoup disent que le roman ressemble au fléau, mis à part le côté fin du monde et à la limite l'homme décharné, bah, qui du coup rappelle directement l'homme en noir. Mais bon, l'homme décharné, il rappelle pas que l'homme en noir dans la mythologie King. Bah, c'est le... Il rappelle énormément de personnages. En fait, je pense que c'est une incarnation de Randall Flagg, voilà. Mais qui est un personnage qui a plein d'incarnations au travers de Love the King. Ah oui, c'est ça, il rappelle pas que l'homme en noir du fléau, quoi. Alors, je peux comprendre que le fléau étant l'un des premiers. Gros succès de King, forcément, les gens y pensent tout de suite. Mais moi, personnellement, le rapport avec le fléau, je le vois pas des masses. Hein. C'est vraiment que l'aspect fin du monde. Ouais, c'est ça, je pense. Bah, je pense que ça a suffi, mais moi, c'est... Alors, tu disais qu'il y avait pas de King qui sont fun, mais c'est que l'autre, tu l'as pas lu. Pour moi, c'est peut-être avec les régulateurs qu'on peut vraiment le rapprocher. D'accord, oui. Bah, il y a la même construction, c'est-à-dire les régulateurs, c'est aussi... Il y a un truc qui débarque ultra rapidement. C'est un massacre sans nom. Et tu comprends petit à petit ce qui se passe. C'est plus de celui-là que je le rapprocherais dans le côté très série B. D'accord, ouais, faudra que je me le lise, les régulateurs, c'est vrai que... Mais oui, avec le fléau, bah, ça va beaucoup plus vite. Il n'y a pas l'aspect moral qu'il y a dans le fléau. On reste sur quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre. Il n'y a pas surtout les longueurs du fléau. Ouais, c'est voilà. Aussi un gros gain. Quand même. Et pourtant, Cellulaire est un roman honorable en termes de quantité de pages. Oui, après, à l'échelle de King, c'est pas tant que ça, finalement, ça fait peut-être partie de sa moyenne basse. C'est 400, ouais, c'est 400 pages. C'est ça, quelque chose comme ça. Pour la version française. Ce qui est, oui, un roman moyen. Voilà, King. C'est ça, on va dire ça. Moyen bas. Mais oui, comparé aux 1600 pages du fléau, là... Ah ouais, voilà, c'est pas comparable. 1600 pages, dont 400 qui servent pas à grand chose. Ouais, bah et puis il y a beaucoup moins de personnages que dans le fléau, parce que là ça reste centré très majoritairement sur Clayton, avec les quelques autres personnages de son groupe, mais au final ça reste quelque chose d'assez typique du film de zombies. On suit un petit groupe de survivants. Oui, c'est ça, qui passe de groupe en groupe en fait. Ouais, voilà, qui après vont voyager un peu. Mais... Oui, c'est une structure ultra classique, mais. C'est très efficace. Bon, c'est la structure de la route, en fait. Oui, voilà, aussi, oui. Ça fonctionne très très bien. Ouais, quoi. C'est ça. Oui, c'est une structure de récit post-apo. Oui. Tout simplement. Bah, qui est plutôt bien, comme ça, tu découvres le monde, le nouveau monde, petit à petit. Oui, tu peux faire des étapes règles, de conflit. Tu peux voir les différentes réactions face à ce conflit, face à la situation, entre ceux qui vont être dans la brutalité extrême, ceux qui vont vouloir lutter, ceux qui se cachent. C'est une structure classique, mais c'est pas pour rien. Ce que j'aime bien aussi, c'est que là où un auteur un peu boomer sur les bords en aurait fait une diatribe anti-technologie et anti-téléphone portable, c'est pas dans ça que va King. Pas du tout même. Parce que bon, c'est à cause de l'impulsion et donc qui est propulsé par les téléphones portables, oui, mais c'est pas le téléphone portable en lui-même en fait qui est, oui. qui est la source. Oui, c'est ça. Bah, c'est, en fait, ça renoue plutôt avec la tendance régulière de King à avoir des technologies qui vont provoquer, enfin qui vont être la source d'un mal qu'on avait déjà vu dans La Presseuse oui. et qu'on voit, bah, qu'on voit à plusieurs reprises. C'est juste, il aime bien que le mal parte d'un truc du quotidien et donc forcément des technologies comme le portable, c'est quand même quelque chose de très quotidien. Oui, clairement. Mais oui, venant d'un auteur, bah, de toute façon venant d'un auteur qui depuis plusieurs années est quand même très actif sur Twitter, le côté anti-technologie, ce serait paradoxal. Oui, c'est vrai, tout à fait. Donc ouais, moi j'ai pas grand chose à ajouter sur le roman, c'est vraiment une bonne lecture qu'on vous conseille, ça se lit vite, ça se lit bien, sans prise de tête. C'est ça, c'est vraiment un roman détente, limite littérature de gare en fait. Même oui, c'est ça. Tellement peu, ouais. ça s'apprécie et ça se bouffe comme ça très vite, et voilà. Mais contrairement à beaucoup de romans de gare, lui, on ne l'oublie pas tout de suite. C'est ça, c'est King, c'est mieux écrit, il y a de l'imagination quand même, voilà. C'est le très haut du panier du roman de gare, on peut dire. Et précisons qu'on n'a aucune haine envers les romans de guerre, bien au contraire. Oui, on en a lu tous les deux pas mal. Voilà. Donc, on passe au film ? Eh ben, passons au film. Les passagers du vol 3598, Manchester. Salut, papa. Salut, mon grand. Est-ce que tu vas revenir ? Oui, oui, bientôt. Ah, merde. C'est un attentat terroriste, hein ? C'est forcément un attentat ? Surtout, vous servez pas de vos portables ! Si on veut survivre à ça, des gens vont mourir. C'est le début d'une guerre. Je veux qu'on les élimine. C'est une mission suicide. Tu vas mourir. Il faut que je revoie mon fils. Éternel, tu ne nous refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité nous garderont toujours, car des maux sans nombre nous entourent. Ici reposent les morts, les cendres de la terre. Bien. Triomphe toujours du mal. Et moi j'y crois. Est-ce que tu vas revenir ? Je veux que tu reviennes à la maison. C'est la voix de Johnny. Non, Clay. Je veux que tu reviennes à la tu maison. Sais que c'est pas ton fils. Je veux que tu reviennes à la maison. Clay, non. Les droits d'adaptation sont acquis en mars 2008 par Dimension Films, donc une compagnie des frères Weinstein qui produisait surtout du film de genre, on en a déjà parlé, c'est eux qui produisent les Scream par exemple, et c'est eux qui avaient produit 1408. Et le film devait d'abord être réalisé et scénarisé par Eli Roth pour sortir en 2009. Roth en parle un peu dans certaines interviews, il avait en tête un projet très violent et plutôt grandiose, avec notamment un début qui aurait dû montrer le lancement de l'épidémie à l'échelle mondiale, avant de peu à peu se recentrer sur un petit groupe de personnages, comme peuvent le faire les films de fin du monde, type 2012 et compagnie, où on voit déjà la catastrophe à grande échelle, avant de resserrer sur une poignée de persos. Oui. Et il va écrire le scénario pendant la production de Hostel 2. Donc, Eli Roth, on peut en parler rapidement, moi c'est un réalisateur pour lequel je n'ai aucune affection. Oui, pareil. J'ai vu que deux de ses films, le premier Hostel et Cabin Fever, et je trouve les deux nuls à chier. Cabin Fever, j'ai un petit plaisir coupable pour l'aspect crado plutôt maîtrisé. Mais ouais. Après, bah, le truc, c'est que... Le problème, c'est qu'Eli Roth, il s'est rendu compte très rapidement que c'est un petit peu tout ce qu'il maîtrise. Et donc, du coup, bah, tous ses films ne font que ça maintenant. Ouais, il n'y a pas grand intérêt. J'en ai pas vu d'autres. Il en a fait un avec Keanu Reeves, je sais. Toc Toc, un truc comme ça. Knock Knock. Bon, apparemment, c'est du torture porn. À la Hostel, quoi. Ouais. Pas très intéressant. Ouais, la différence, que c'est Keanu Reeves qui se fait torturer, donc il serait peut-être une chance, parce que j'aime bien Keanu Reeves, mais... Mais du coup, est-ce que t'as envie de le voir se faire torturer ? Je sais pas trop. Donc, une adaptation d'Eli Ross, oui, clairement, ça aurait été beaucoup plus violent que ce qu'on a au final. Mais bon... Est-ce que ça aurait été mieux? Voilà. Je ne pense pas. Et il annonce de toute façon le 15 juin 2007 qu'il ne travaillera pas déjà dans l'immédiat sur le projet parce qu'il devait faire passer d'autres choses avant, et il abandonne 2 ans plus tard, il y a quand même 2 ans qui passent, le 10 juillet 2009, apparemment à cause de divergences d'opinion avec les Weinstein, et parce qu'il l'a découvert, il s'est rendu compte qu'il préférait travailler sur des histoires originales que sur des adaptations ou des remakes. Mmh. Enfin bon, je trouve pas que ces films aient grand-chose d'original, mais c'est une question de vocabulaire. Dimension Films annonce pendant une période que les scénaristes seraient Scott Alexander et Larry Karaszewski, donc les deux scénaristes de 1408, enfin deux des scénaristes de 1408, il y en avait eu plus que ça, mais cette annonce n'a eu absolument aucune suite, donc je sais pas à quel moment ça a été abandonné comme idée. Et finalement, Dimension Films va lâcher le projet à cause de conflits avec le producteur Richard Saperstein, qui était déjà sur 1408 et également sur The Mist d'ailleurs. Et donc Dimension Films lâche le projet, Saperstein le récupère pour sa boîte de production à son propre compte. Donc déjà là, on sent que c'est le projet qui galère à se monter, hein, ce qui est rarement très bon signe. En novembre 2009, c'est King qui annonce qu'il a terminé sa propre version du scénario avec une fin différente de celle du livre, à cause des reproches qu'on lui avait fait à ce sujet. Mais le projet va encore traîner pendant des années, et c'est seulement fin 2012 que John Cusack et Samuel Jackson sont annoncés dans les rôles principaux. Le scénario va être remanié en cours de production par Adam Aleka, mais je ne sais pas qui a été modifié par Aleka par rapport à ce qu'avait fait King à l'origine. Alors Adam Aleka, c'est un réalisateur qui avait déjà travaillé sur le remake de La Dernière Maison sur la Gauche, et qui jouait un zombie dans Land of the Dead. Voilà. D'accord. Et John Cusack mentionne aussi dans une interview que Mark Lehner a aussi participé au scénario, mais il n'est pas cité au générique, et j'ai trouvé de traces de ça nulle part. Mark Lehner, il avait déjà écrit War.inc pour Cusack. D'accord. Mais voilà, j'ai aucune information supplémentaire sur cette rumeur. Ouais, sur ce qu'il Peut-être qu'il fait, a juste quoi. Fait quelques compléments en tant que script doctor. Ouais. Finalement, le réalisateur choisi, c'est Todd Williams, qui avant avait réalisé quelques films, dont plusieurs que je ne connais pas, mais un qui s'appelle Ligne de vie et qui apparemment est pas mal, un autre appelé The Adventure of Sebastian Cole, et en fait son seul film que je connais c'est Paranormal Activity 2, pas de chance. Pas de chance. Non, mais j'aime pas les paranormal, en fait je peux même pas le juger objectivement. Paranormal Activity dès le premier j'entre pas dans le délire, donc voilà. ça marche pas pour moi, enfin, à aucun moment ça me fait peur donc. Paranormal Activity c'est quand même une série très particulière parce que c'est dur de dire que c'est nul, tellement c'est un truc où c'est soit tu rentres dedans, soit tu rentres pas dedans. Ouais, alors je pense qu'il y en a dont on peut dire qu'ils sont nuls, hein, mais concept de base, c'est un peu comme Blair Witch, quoi. Je sais qu'il y a plein de gens, ça a marché à fond, Blair Witch. Moi je me fais chier en voyant des gens se balader en forêt. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a rien d'objectif là-dedans. J'ai le même ressenti pour Blair Witch. Clairement. Alors, pour une raison assez difficile à expliquer, parce qu'on trouve pas grand-chose sur la conception du film, il y a une armé de producteurs exécutifs, il y en a je sais pas combien qui sont mentionnés au générique, dont dans le tas Xavier Gence, donc le réalisateur de Frontières et de Hitman. Oui. L'ancien Hitman, je crois. L'ancien. Bon, voilà, je sais pas comment c'est arrivé, parce que producteur exécutif, normalement, je crois que c'est les types qui sont censés être un peu sur le plateau. Normalement, oui, c'est ceux qui sont sur le tas. Voilà, et ils étaient. Il y en a au moins 15 de cités, je pense, au générique. Ils n'étaient pas 15 à chaque fois pendant tout le tournage, donc je sais pas, est-ce que c'est que ça a tourné? Est-ce que c'est des titres qui ont été obtenus à titre gracieux en échange de services et d'autres? C'est possible. Oui, parce que normalement, le producteur exécutif est sur le terrain pour exécuter les ordres du producteur. Moi, il fait le relais, en fait. C'est ça. Et donc, je sais pas ce qui s'est passé sur ce film-là. Mais surtout, c'est 15, c'est surtout ça qui est étonnant. Ouais. Je vous surestime peut-être un peu, mais minimum 10, ils sont vraiment une armée de producteurs exécutifs. Oui, alors que normalement, même sur un gros film, ils sont deux à tout péter, quoi. Ouais, à la limite 4-5 sur un blockbuster, mais bon. Étonnant. Ça pourrait expliquer des trucs. Ouais, effectivement. Bon, alors je suis pas revenu sur les deux acteurs principaux, hein, Jackson et Cusack, on en a déjà parlé dans 1408. Le duo fonctionne. C'est ça. Enfin, il fonctionnait sur 1408, là aussi, on remarque. Oui. Au casting, on retrouve d'autres personnes qui sont mentionnées pour la première fois en janvier 2014, donc alors que le tournage est en train de se dérouler à Atlanta. On apprend la présence au générique d'Isabelle Fuhrman, donc, qui joue Alice, et de Stacy Keach dans le rôle du professeur Hardy, l'autre rôle un peu important. Donc Isabelle Fuhrman, en fait, je me suis dit pendant tout le film que sa tête me disait quelque chose. Alors elle a commencé sa carrière dans un film appelé On Dog aux côtés de Dakota Fanning, mais son rôle le plus marquant, en fait, c'est Esther, dans Esther. Ah, mais oui! Donc voilà, elle était un peu plus jeune, c'était 4 ans auparavant. Bon, évidemment, la voir dans le rôle d'une gentille adolescente, alors qu'on l'a vu dans Esther peu avant, oui, ça complique le rapprochement, hein. Oui. On va pas se mentir. Et du coup, est-ce qu'on peut prendre 5 minutes pour dire que Esther est un excellent thriller horrifique? Ouais, très vraiment. Très bien, Esther. Une ambiance assez glaçante, bah, qui tient pas mal à l'actrice principale, justement, ouais, à Fuhrman. Et le twist de fin, mais fonctionne à fond, quoi. Déjà, tu le sens pas venir. Ouais. Et en plus, il fonctionne, mais à la perfection, quoi. Et visiblement, il y a un préquel à Esther qui a été tourné, mais qui est dans les cartons depuis un bon moment. Je sais pas si ça va sortir. D'accord. J'avoue que ça me rassure pas plus que ça, mais... Oui, parce que le film, ça suffit largement à lui-même. Oui. Même si ça peut être intéressant d'en apprendre plus sur le passé... pas trop en dire, parce que sinon on spoil. Ouais. C'est ça, mais voilà, c'est regardez Esther, si ce n'est déjà fait. Ouais, c'est très bien. En VO, c'est... En VO, c'est The Orphan. Ouais, The Orphan, ouais. C'est ça. C'est l'histoire d'un couple qui va adopter une jeune fille orpheline, et qui va se rendre compte... Bon, le couple, pas tout de suite, mais les enfants naturels du couple vont se rendre compte que la gamine est quand même vachement bizarre. Ouais. Voilà. Et sinon, bah, sa carrière, elle a pas d'autres gros rôles. Elle apparaît dans des petits rôles dans After Earth et Hunger Games, mais elle a rien d'autre de majeur, alors que bah, je trouve qu'elle joue vraiment bien, donc j'espère qu'elle aura d'autres trucs un peu importants par la suite. After Earth, le truc de Shyamalan, là ? Ouais. Ah, merde. Voilà. Ça fait tâche sur un CV, là. C'est, ouais, un peu. Mais bon, Shyamalan a bien réussi à se relancer après. Oui, c'est vrai. Et Stacy Keach, lui, il a une longue carrière derrière lui, mais que je ne connais pas. Son rôle le plus récurrent, c'est celui d'un détective appelé Mike Hammer dans plein de téléfilms et plusieurs séries télé. Ouais. Visiblement, ça a bonne réputation. Bah, c'est un acteur beaucoup de séries télé, quand même, Keith, non ? Bah ouais, mais comme je regarde assez peu de séries télé... Ah oui. C'est surtout un acteur de beaucoup de second rôle, surtout. Oui, c'est ça. Mais du coup, c'est pas une culture que j'ai beaucoup. Hein. Oui, c'est ça. Mais là, il a une bonne gueule. Moi, j'aime bien. Oui, il a une gueule aimable. Et on retrouve aussi dans le rôle de l'étudiant qui est aux côtés du professeur Hardy, Jordan, Owen Teague, que je mentionne juste parce qu'on le retrouve dans le Ça de Andy Muschietti. Il joue Patrick Hoskater, donc un des gars qui martyrise les ratés. Ouais. La photographie est de Michael Simmons, qui avait déjà travaillé avec le réalisateur sur Paranormal Activity 2, et sinon il a surtout fait... beaucoup de séries et de petits films. Il a fait dernièrement la photographie des deux derniers Halloween, qui est pas dégueu. Ouais, qui est carrément beaucoup mieux que celle de Cellphone. Ouais, bon, je pense que le budget joue. Hein. Oui. La photographie de Cellphone... Elle se veut réaliste, en fait. Ouais, en fait, elle a le côté photographie un peu hard, qui était pas mal à la mode, surtout dans les années 2000, je trouve. Ouais. Mais je trouve qu'elle marche pas très bien. En fait, on sent que ça veut créer un côté fin du monde dans la photo, mais c'est pas très bien maîtrisé, peut-être parce que c'est trop vu. Avec des éclairages très très éclairés, en fait. Ouais, c'est ça, en fait. Il y a beaucoup de contrastes assez violents. Les blancs, limite, font agressif. Ouais, c'est ça. C'est un truc qui a été à la mode pendant un moment, mais c'est pas le type de photo que je préfère. Bah, disons que ça a été à la mode et que ça a pas duré, et tant mieux. Ouais. C'était assez à la mode au début du numérique et il y a des films qui le faisaient bien pour le coup, qui arrivaient à bien gérer ça, mais en gardant une réalisation beaucoup plus crade à côté, parce que c'est une photographie que je trouve assez crade, en fait. Ouais, genre, il faut être cohérent. Genre Vidocq, c'est ça. Je ne pensais pas à ça, j'avais plus en tête un film japonais appelé All About Lily Chouchou, qui a une photographie comme ça. Pardon. Qui est très bien, c'est un film sur le harcèlement scolaire super hard, par contre. D'accord, voilà. Ok. C'est quoi le titre ? All About Lily Chouchou. Parce que tous les personnages sont fans d'une idole qui s'appelle Lily Chouchou. D'accord, t'avoueras que ça fait pas trop drame. Non, c'est d'accord, mais je pense que c'est volontaire. D'accord. Enfin bref, à côté de ça, la musique est de Marcelo Zarvos, qui avait lui aussi déjà travaillé avec le Real, mais sur Ligne de Vie, et qui a aussi travaillé sur des films comme Raison d'État, Rock the Casbah, ou Le Complexe du Castor et Dark Waters. Donc j'ai pas vu tous les films que je viens de citer, mais quand je les ai vus, je trouve la musique pas désagréable, mais toujours oubliable. Et bah j'ai un peu la même chose à dire en fait de la musique de Cellphone, elle passe totalement inaperçue. Elle est pas inefficace, mais elle marque à aucun moment en fait. Ouais voilà c'est ça, c'est, elle fait bien le taf sur le moment du visionnage, mais de là à s'en souvenir après, non. Le film va avoir plusieurs problèmes dus à des changements de distributeur. Le distributeur d'origine, Clarius Entertainment, a des problèmes financiers, et c'est finalement Saban Films qui va obtenir les droits aux États-Unis en tout cas. Pour le sortir en VOD le 10 juin 2016, et à partir de juillet, il y a une sortie très limitée en salle. Il aurait dû être présenté au Fright Fest du Glasgow Film Festival, mais même là, il va être remplacé à la dernière minute. Donc c'est un film qui va passer pas mal sous le radar. Hein. Ouais. Globalement, la critique va le massacrer, parce qu'il est signalé comme étant plat et très banal. La fin, alors qu'elle a été modifiée par rapport au roman, parce que celle du roman provoquait des remous, bah la fin ne plaît pas non plus. Et il a actuellement eu 1,5 étoiles sur Allociné, ce qui le place dernier à égalité avec Mangler 2, dans les choses qu'on a déjà traitées, et 11% de fraîcheur sur Rotten Tomatoes, ce qui le place 35e. Voilà. Et j'ai rien entendu, j'ai pas vu d'interview de King qui en reparlait. Je crois qu'il avait exprimé être un peu dérangé du fait qu'on ait abandonné son scénario, enfin qu'on ait modifié et abandonné son scénario, mais voilà, c'est tout ce que j'en sais. Mmh. Et donc on va pouvoir passer à nos avis. Je pense que c'est un film tellement anecdotique que ça fait partie de ces films dont King ne parlera jamais de toute sa vie, je pense. Hein. C'est fort probable et qu'on en apprenne jamais plus sur lui. Je pensais à ce pauvre gamin tout à l'heure dans le tunnel. DJ... Liquide. Nom de Dieu. Vous savez, si on arrive à survivre à ce... je sais pas trop quoi, là, faudra bien que les gens apprennent à mettre de côté leur... sensibilité les plus subtiles. Et s'ils peuvent pas... ils mourront. Est-ce qu'elle a l'air normale ? Ouvrez-moi. Vous êtes normale ? À votre avis, ouvrez la porte. Ça va aller. J'habite au-dessus. Je sais, je vous ai déjà vu. Je m'appelle Clay. Tom. Moi, c'est Alice. Bah, comme dit, hein, c'est, oui, c'est un film plutôt anecdotique. C'est pas mauvais, c'est pas nul. Ça souffre d'un classicisme, pour le coup, le roman était classique, mais bien écrit. Là, c'est classique, mais le souci, c'est que la réalisation ne suit pas, que les effets visuels ne suivent pas, que, bah, mis à part le casting, rien ne suit. Ouais. Parce que c'est vraiment, en fait, le seul point sur lequel j'ai aucun reproche à faire, c'est le casting. Oui, qui, même si tout le reste ne va pas, bah, eux assurent quand même un taf plus qu'honorable. Bon, Samuel L. Jackson, quoi qu'il en soit, il aura beau jouer dans la pire daube, il assurera toujours il assurera toujours le minimum syndical. Ouais. Lui, un acteur aussi pro que ça, bah si, il y aura Morgan Freeman, qui est pareil, qui est dans le même délire, en fait. Mais voilà, il n'y a que ça, en fait. Que c'est le seul point où je n'ai aucun reproche à faire, c'est le casting. Sinon, tout le reste, c'est bancal. C'est pas nul, c'est bancal. Mmh. Non mais bah, j'ai à peu près le même ressenti en fait, et je m'attendais vraiment à une dope parce que tu me l'avais un peu sous-vendu avant de le voir, et finalement je me suis dit c'est pas si mal en fait, j'ai été distrait tout du long, alors je l'aurais oublié très très vite, oui. Et il n'y a rien qui m'a marqué, et effectivement il n'y a rien qui est parfait, qui est remarquable, sorti du cast qui s'en sort très bien comme tu dis. Mais voilà, il n'y a pas de moment où j'ai ressenti de l'ennui, en plus c'est relativement court quand même, 98 minutes, elle passe plutôt vite, les étapes se succèdent. Mmh. Ouais, tout est convenu, mais j'ai pas passé un mauvais moment devant, tu vois. C'est... Oui, je comprends pas, tout à fait. Hein. Mais il y a des bonnes idées. Par exemple, faire commencer le film dans un aéroport, donc un lieu où oui, clairement, on est tous avec nos portables dans un aéroport, parce qu'on essaie de contacter les gens pour dire qu'on est bien arrivé, tout ça, ça c'est une bonne idée. Parce que pour faire démarrer un phénomène d'impulsion de zombies produit par des téléphones portables, oui, il n'y a pas d'autre lieu qu'un aéroport, en fait. C'est clairement un bon excellente choix, idée. Ouais. Mais bah, le manque de moyens transforme ça en, déjà, en gloubi-boulga d'effets visuels quand il y a un avion qui se crache, c'est dégueulasse. Et surtout, bah, des figurants qui semblent très mal dirigés. Je sais pas trop ce qu'ils font. Et eux-mêmes semblent pas trop savoir ce qu'ils doivent faire. Dans l'ensemble, les zombies sont assez peu menaçants, en fait. Oui. On sent un manque. Je sais pas si c'est le budget ou la direction de figurants et de cast qui a posé problème. Mais bah, ils sont pas très nombreux, déjà, aussi. Oui. On perd cet effet de foule qui était pourtant bien décrit dans le roman. Mm-hmm. Là, clairement, on le perd. Le seul moment où t'as des effets de foule, c'est quand ils tombent sur la meute endormie. Oui. Mais là, forcément, vu que c'est une bande de connards qui sont allongés, c'est facile de les multiplier numériquement. Ouais, donc c'est ça, facile c'est de créer simple, un phénomène de foule, mais sur des gens en mouvement. Alors que pourtant, un aéroport, c'est pas un endroit où tu croises que 10 pélos, quoi. Normalement, oui. Surtout que c'est l'intention de montrer qu'il y a plein de monde. Voilà, normalement, t'as énormément de monde. Donc, oui, on perd ce phénomène-là, ce phénomène de foule, et du coup, on perd le côté menaçant. Ouais. Bah, la réalisation, qui est finalement très plate, n'aide pas non plus. Il n'y a pas vraiment de moment où elle va souligner. En fait, elle fait pas vraiment de choix. J'ai l'impression que dans la scène à l'aéroport, ça essaie d'adopter un ton un peu vérité avec une caméra portée qui bouge beaucoup, presque comme si c'était un docu. Et surtout pendant tout le générique. Ouais. Tu veux dire, ouais. À la limite, si ce style avait été choisi tout du long, ça aurait donné une réalisation comme ça, un peu brute, pour montrer des choses saisies sur le fait. Une réalisation un petit peu à la Jason Bourne. Ouais, c'est ça, par exemple. Je cherchais des films de zombies qui auraient fait la même chose. Bah, un film de zombies. Le Diary of the Dead de Romero, mais bon, vu que là, c'est l'intention première, quoi. Mais, ouais. Ouais. Ah, si, peut-être War War Z. Je sais plus, ça fait tellement longtemps que je l'ai vu. Je l'ai préféré l'oublier vite fait. Ouais, pareil. à la limite, je crois que c'est ce que voulait tenter sur certains aspects Snyder sur son Army of the Dead. Ouais. Parce qu'il y a il a ce côté. Avec énormément de flou, une caméra qui bouge pas mal, je trouve que ça ratait, mais il y avait cette intention là, je pense. Oui, oui. Mais il se trouve que effectivement ça ne marche pas très bien, et à côté de ça, comme il regarde quand même une réalisation et une photo, comme on a dit, assez dure, il n'y a pas non plus quelque chose de particulièrement élégant qui peut faire beaucoup d'effets de style, donc c'est dans un entre-deux assez plat en fait, dont on ne peut pas dire grand chose. Qui empêche de souligner comme il faut la menace. Bah oui, voilà, c'est ça. Et t'as pas de scène réellement marquante, quoi, du coup. Ouais. Tout le long. Vu que t'as ce manque, comme dit, de budget constant, dès qu'il se passe un événement, t'es pas plus impressionné que ça. La scène où l'autre se fait péter, par exemple, il se suicide, il se fait carrément exploser, ça ressemble plus à une explosion de pétard qu'à un corps humain qui explose, quoi. T'as aussi cet aspect-là qui est que le film, je pense, vraiment a été réalisé dans un esprit tout public. Oui, je pense, ouais. Et tout comme l'a été World War Z, du coup, avec parce que c'était une production Brad Pitt, pour le coup, ouais. Et je pense que Brad Pitt a voulu faire un film de zombies tout public, parce que c'est Brad Pitt, il faut quand même remplir les salles. Bon, après, World War Z n'est pas raté que pour ça. Oui. Il est raté pour plein d'autres aspects. Mais j'ai du mal, moi, avec du film de zombies propre, tout clean, avec très peu de sang, enfin, c'est quelque chose qui, je trouve, ne va pas. Bah, j'imagine qu'il y a moyen de le faire, hein, mais faut vraiment bien gérer derrière. Mais il y a moyen de le faire, mais ça s'appelle Pontypool. Et du coup, t'as une autre idée derrière. C'est, en fait. Oui, c'est pour ainsi dire pas de zombies, donc voilà. Tu les vois pour ainsi dire pas en fait. C'est ça, il y a très peu de moments graphiquement violents. Parce que Pontypool est violent, mais graphiquement, il est plutôt sobre. Mais du coup, il y a une idée derrière. Bah, au passage, regardez Pontypool. Oui, effectivement. Il me semble que c'est pas la première fois qu'on en parle dans ce podcast en plus. Mais voilà, tu peux faire un film de zombies, qui soit pas gore, mais il faut que tu aies une idée derrière pour proposer quelque chose d'original. Parce que là, faire du film de zombies où les zombies attaquent et tuent des gens et justement où c'est pas violent, tu dis bon. Alors, en film de zombies pas gore, il y a Miss Zombie de Sabu. Mais il est spécial, c'est un film de zombies japonais. En gros, il y a l'épidémie zombie qui existe, mais les zombies ont différents stades en fait de conscience. Ils sont pas forcément totalement zombifiés. Il y a un stade où juste ils ont plus de volonté propre, on va dire. Et du coup, il y a un marché d'esclavage, dont esclavage sexuel de zombies qui est mis en place. Bon, c'est pas du film que je conseillerais à tout le monde, hein. C'est très très malsain, oui. Mais il est vraiment très très bien, Miss Zombie. C'est le podcast où Issam conseille plein de trucs malsains. C'est ça. Mais écoute, c'est le jour. Il y a aussi Zombie Ass, hein, en japonais, qui est pas particulièrement gore. Hein. Oui, oui. Bon, qui est aussi plutôt nul. Faut aimer l'épée. Voilà. Qui est aussi plutôt nul, quand même. Aussi, aussi, oui. Oui. Pour le coup, qui est totalement nul. Non, mais voilà, j'ai... En fait, on a vu tellement de trucs pire pour le podcast que j'ai envie de dire ouais, vous passerez un après-midi pas trop désagréable devant. Oui, bon, oui. Par contre, oui, clairement, on a vu bien pire, c'est sûr. Pourquoi pas le tenter, mais c'est dispensable. Et voilà. Comment c'est possible sans un truc pour transmettre ? Ce sont eux qui transmettent. C'est un nouveau talent qu'ils viennent d'acquérir. Et de plus, ils évoluent à un rythme inquiétant. Est-ce qu'on peut continuer cette conversation à l'intérieur ? S'il vous plaît. Nous ne pouvons pas sous-estimer le bon évolutionnel auquel nous assistons. Il semble avoir un comportement social, comme une colonie de fourmis ou d'abeilles. Ils agissent pour le bien de l'ensemble du groupe. Il n'y a pas de compétitivité, l'égoïsme n'a pas sa place. En fait, ils sont peut-être la prochaine étape de notre évolution. Sans déconner. Tout être humain sur la planète Terre fera partie d'un seul organisme géant. Pas d'individualité, pas de vie privée. Merde. Pas de guerre, pas d'épuisement des ressources, pas de conflit. Non, merci. Quant à ce qu'ils font la nuit allongés et immobiles, les yeux grands ouverts, en écoutant leur musique, on pense qu'ils se réinitialisent. Oui. C'est comme si sur leur front, il y avait écrit « Mise à jour du logiciel en cours, merci de patienter quelques instants ». Tu veux dire qu'on leur a comme vidé le cerveau ? Bah oui. Mais c'est vrai que le pire reste quand même les effets spéciaux, les effets numériques. Ouais. Qui, eux, sont vraiment dégueulasses. Ils auraient peut-être un peu plus dû tenter de suggérer les choses, quitte à ne pas avoir de budget. Bah, toute la fin, en plus, qui est plongée un peu dans l'obscurité, où il arrive avec le camion, là, avec le camion de glace, et t'as toute la foule de zombies là qui tourne autour de l'antenne. Bah, c'est mal fait, quoi. Tu vois que c'est une foule numérique. Et pour le coup, j'ai une préférence pour la fin du livre, que je trouve plus touchante, finalement, la fin du film, en voulant être purement nihiliste, purement négative. Je trouve qu'elle est plus convenue, au final. Après, c'est pas une mauvaise fin. J'irais pas jusqu'à dire que c'est une mauvaise fin. C'est une fin... C'est une fin dramatique. Oui. Et je pense que c'est pour ça que les gens disent que c'est une mauvaise fin, parce que les gens, globalement, n'aiment pas les mauvaises fins. Ils veulent des... Les gens préfèrent des happy ends, c'est bien connu. Mais oui, c'est pas une mauvaise fin pour même, autant, en fait. Il rejoint son fils, finalement. C'est compréhensible. Oui, voilà, il rejoint son fils en esprit. Mmh. Parce qu'en fait, oui, on voit dans la fin, donc pour l'expliquer, il arrive avec le camion, il a une confrontation avec l'homme décharné, il arrive à faire péter le camion qui est bardé d'explosifs pour faire exploser l'antenne relais, et du coup, on le voit après parcourir la route avec son fils, il lui dit « Oh, je vais te présenter tous les amis que je me suis fait sur le chemin, nanana », il est content. Puis, écran noir, et là on se rend compte qu'en fait, non, il n'a pas réussi à faire péter l'antenne, qu'il s'est fait contaminer avant et que du coup il fait partie de la foule qui tourne autour de l'antenne comme un zombie. On voit que c'est juste son subconscient qui lui fait croire que tout va bien, quoi. Voilà, donc oui, le film se termine de manière plutôt dramatique, mais au moins c'est une fin. Oui, oui, là il y a au moins un choix, voilà. Effectivement. Disons que j'aime bien la fin du roman, parce que les fins ouvertes ne me dérangent pas, mais je comprends les gens qui n'aiment pas la fin du roman. Oui. En disant que c'est pas vraiment une fin, tu vois. En fait, j'admets la critique, c'est pas vraiment une fin quand la fin est ouverte, parce que c'est vrai que c'est pas vraiment une fin. Mais vraiment bâcher une fin parce que c'est une fin qui termine mal, il y a pas vraiment de raison, quoi. C'est juste la décision de l'auteur, quoi, c'est tout. Ouais, c'est ça. Bah, disons que dans le cas du roman, j'admets qu'on l'aime pas, mais qu'on dise que c'est une fin ratée, que c'est de la flémardise d'avoir fait comme ça, j'ai plus de mal. Enfin, les fins ouvertes, ça peut avoir un intérêt aussi, oui, littéraire, réel. Mais surtout celle-là, on va en parler de la fin du roman, du coup, parce que, en fait, les gens disent que c'est une fin ouverte et qu'il n'y a pas vraiment de fin, mais en fait, au final, si, parce que il met le téléphone à son fils. Soit ça fonctionne, et du coup, il a trouvé le remède, et donc, du coup, c'est une fin. Soit ça ne fonctionne pas, bah il n'a pas trouvé le remède, il n'a pas sauvé son fils, et tant pis, il va dépérir dans la nature, parce que c'était son seul but. Choisir, ouais. C'était, trouver son fils, c'était son seul but, et vu comment nous est décrit le personnage, il aura plus rien pour le raccrocher à la vie. Oui, c'est ça. Il va dépérir, donc c'est quand même une fin, en fait. Quoi qu'il arrive, après, c'est au lecteur, En fait, c'est au lecteur de choisir la fin qu'il veut. C'est vrai qu'à partir du moment où il laisse tomber, l'autre, son ami, c'est vrai qu'il a rien d'autre qui peut le rattacher que son fils. C'est ça, il a plus rien qui l'attache à la vie, quoi. Donc, mm-hmm. En fait, quoi qu'il en soit, il y aura une conclusion. Mm-hmm. C'est au lecteur de choisir laquelle il préfère. Bon, moi, j'aime bien Tom, enfin, j'aime bien Clay. Donc, j'aimerais bien qu'il sauve son fils. Oui, pareil. Mais effectivement, on a ce choix-là. Alors que oui, bah voilà, là, c'est une fin, comme tu l'as dit, totalement nihiliste dans le film. Bah voilà, c'est pas une fin. Mais oui, au moins il y a la décision. Rien de vrai, ça. Fin, quoi. Voilà, on peut pas leur retirer ça. Voilà. Ah si, attends, mais si, il faut parler d'un truc. Alors, ils arrivent dans l'école. Ouais. Et donc, tu vas me faire croire que les zombies écoutent trop Lolo. J'avais oublié ça. Parce que c'est la musique qui est diffusée à ce moment-là. Et comment tu peux faire cette scène en étant sérieux, bah, en mettant trop Lolo, je comprends pas. Peut-être qu'il y a une volonté d'humour là-dedans. Je pense que vous avez déjà son statut à l'époque, trop Lolo, et qu'il y a l'idée, c'est la musique qui circule sur Internet, que les zombies ont, que tout le monde a dans son subconscient, parce que c'est vrai qu'elle reste cette machine. Oui, mais quand c'est peut-être ça l'idée. Oui, mais quand t'as la culture d'Internet, cette scène-là, tu ne peux la voir que sous le prisme du ridicule, du coup. Bah, il y a peut-être une volonté de créer un décalage un peu comique dans cette scène. Ça, j'avais oublié, tu vois. Mm. J'avais vraiment oublié, genre, je me suis dit, mais... qu'est-ce qui se passe? J'avais oublié qu'il y avait, lors de mon premier visionnage, que c'était trop Lolo, et le second visionnage m'a rappelé ce souvenir, c'était extraordinaire. Ah, et petite anecdote, quand il y a un petit easter egg, quand il est dans la chambre de son fils, Clayton, il y a un tableau accroché au mur, qui est un tableau qui est dans la chambre 1408. Ah tiens, voilà. D'accord. Ok. C'est tout. Ce film m'aura appris que mettre son téléphone dans le réfrigérateur, ça rallonge la durée de la batterie. Oui. Je vais pas tester par contre. Moi non plus, mais. Mais je pense que je ne testerai jamais. Hein, mais... bon, je pense pas que ça fasse de dégâts sur le téléphone, hein, mais. Enfin, pas sur un. Peut-être sur un tactile, mais sur un normal, je pense pas. Non, je pense pas non plus, je sais pas. Je tenterai. On va tenter. Bon, on passe à une scène alors ? On passe à une scène. C'est parti. Le téléphone pleure, ne raccroche. Très bien, nous avons donc choisi de vous lire justement la fin du roman et donc de vous passer la fin du film dont on a déjà un peu parlé, surtout pour que vous puissiez vous faire votre propre idée. Donc je lis l'édition France Loisirs du roman, traduit de l'américain par William Olivier Desmond, comme souvent, et nous sommes à la page 400. On parle de Clayton et de son fils. Clayton a enlevé son fils après avoir fait exploser le camion. Ils étaient maintenant installés dans le cottage du gardien, à côté du Springvale Logging Museum. Les provisions y étaient abondantes, et ils disposaient d'une cuisinière à bois et d'une pompe manuelle pour l'eau. Il y avait même des toilettes chimiques, que Johnny n'utilisait pas, il préférait la cour derrière la maisonnette. Tout le confort moderne, version 1910. Une période tranquille en dehors des bruyantes crises nocturnes de Johnny. Il avait eu tout le temps de réfléchir et à présent, regardant la neige débouler dans la rue depuis la fenêtre du séjour pendant que Johnny dormait au fond de son placard, le moment était venu de prendre conscience que ce temps de réflexion était terminé. Les choses ne changeraient pas s'il ne se mêlait pas de les faire changer. Jordan lui avait expliqué qu'il lui faudrait se procurer un téléphone portable et aller dans un coin couvert par le réseau. Il se trouvait dans un endroit où on captait le signal, où on le captait encore. Les barres du petit écran en témoignaient. « Est-ce que ça pourrait être pire ?» lui avait demandé Tom. Et il avait haussé les épaules. Il pouvait hausser les épaules, lui, évidemment. Johnny n'était pas le fils de Tom. Tom avait son propre fils, maintenant. La question est de savoir si le cerveau peut faire ce que les ordinateurs bien protégés sont capables de faire, confrontés à un signal électromagnétique. Tout dépend de ça. Voilà ce qu'avait aussi expliqué Jordan. Il sauvegarde les données. Une remarque qui n'avait rien d'anodin. Mais il fallait tout d'abord se débarrasser du programme des phonistes si l'on voulait qu'il y ait la place pour une reprogrammation des plus théoriques, et l'idée de Jordan, envoyer une seconde fois l'impulsion à Johnny comme on allume un contre-feu, paraissait tellement angoissante, tellement téméraire, d'autant que Clay n'avait aucun moyen de se faire une idée des mutations subies par le programme initial, en supposant qu'il fonctionne encore. « Sauvegarder le système », murmura Clay. Dehors, on ne voyait presque plus rien. Les tourbillons de neige paraissaient plus fantomatiques que jamais. Que l'impulsion soit différente, à présent, il en était convaincu. Il se rappelait très bien les premiers phonistes qu'il avait vus réveiller la nuit, ceux qui s'étaient battus devant la caserne des pompiers de Gurleyville. Qui s'étaient battus pour un vieux camion-pompe, mais à ce détail près qu'ils avaient aussi parlé. Non, pas lancer des vocalisations fantômes qui auraient pu être des mots, mais parler. Oh, ce n'était pas grand-chose, rien qu'un brillant bavardage pour cocktail mondain, mais néanmoins du langage. « Tire-toi ! Toi, partir ! Bordel, j'ai dit !» Sans parler de l'épatant « mamillon ». Ces deux-là avaient été différents des premiers phonistes, les phonistes de l'ère du dépenaillé, et Johnny était encore différent de ceux de Gurleyville. Pourquoi ? Parce que le ver avait continué à ronger et l'impulsion à poursuivre sa mutation ? Probablement. La dernière chose que Jordan lui avait dit avant de l'embrasser et de partir vers le nord avait été « Si vous installez une nouvelle version du programme sur celle que Johnny et les autres ont reçue au point de conversion, il est possible qu'elles se bouffent mutuellement. Parce que c'est justement ce que font les vers. Bouffer. Alors, si l'ancien programme était là, s'il avait été sauvegardé quelque part... » Son esprit troublé fit que Clay se retrouva en train d'évoquer le souvenir d'Alice. Alice qui avait perdu sa mère, Alice qui avait trouvé le moyen d'être courageuse en reportant toutes ses angoisses sur une petite chaussure d'enfant. 4 jours après avoir quitté Gayton, environ sur la route 156, Tom avait proposé à un groupe de normaux de pique-niquer à côté d'eux. « C'est eux », avait dit l'un des hommes, « la bande de Gayton ». Un autre avait dit à Tom qu'il pouvait aller au diable. Alice avait bondi, elle leur avait lancé « Au moins, nous, on a fait quelque chose !» dit Clay à voix haute, les yeux perdus sur la rue presque obscure. Après quoi elle leur a demandé ce que, eux, ils avaient fait. Il tenait donc sa réponse grâce à une adolescente morte. Johnny n'allait pas mieux, Clay n'avait que 2 solutions. S'en tenir à ce qu'il avait ou essayer de provoquer un changement tant qu'il était encore temps. S'il était encore temps. Clay prit une torche avant d'aller dans la chambre. La porte du placard était entrouverte, laissant voir le visage de Johnny. Dans son sommeil, une joue posée sur la main, ses cheveux retombant en désordre sur son front, il ressemblait presque parfaitement au garçon que Clay avait embrassé avant de partir pour Boston avec son portfolio de dessins. Il y avait 1000 ans de ça. Un peu plus maigre, sinon pratiquement le même. On ne voyait la différence que lorsqu'il était réveillé, la bouche qui pendait mollement, le regard éteint, les épaules tombantes, les bras ballants. Clay ouvrit la porte du placard en grand et s'agenouilla à côté de l'étroite couchette. Johnny bougea un peu lorsque la lumière de la lampe inonda son visage, puis reprit sa position. Clay ne pratiquait guère la prière et les événements des 2 semaines précédentes n'avaient rien fait pour augmenter sa foi en Dieu, mais il avait retrouvé son fils, au moins ça, et il fit monter une prière vers celui qui voudrait bien l'écouter. Elle était brève et précise. « Antoine, Antoine, aide-moi à retrouver ce qui a été égaré. » Il ouvrit le boîtier du portable et l'alluma. Une lumière ambrée emplit l'écran. 3 barres. Il hésita un instant, mais pour ce qui était du numéro, il n'y en avait qu'un de possible, celui qu'utilisait le dépenaillé et ses amis. Une fois les 3 chiffres composés, il prit Johnny par l'épaule et le secoua. Le garçon ne se réveilla pas. Il grogna et essaya de se dégager, puis de se tourner. Mais Clay ne le laissa pas faire. « Johnny, Johnny G, réveille-toi !» Il le secoua plus fort et continua jusqu'à ce que le garçon ouvre finalement ses yeux au regard vide et se mette à le fixer, l'air fatigué, mais sans la moindre curiosité humaine dans les yeux. Le genre de regard que peut avoir un chien cruellement maltraité, un regard qui brisait le cœur de Clay à chaque fois qu'il le voyait. « Dernière chance », songea-t-il. « Est-ce que tu veux vraiment la tenter ? Tu joues peut-être à 10 contre 1 dans ce coup-là. » Mais combien de chances avait-il eu de retrouver Johnny pour commencer ? Et combien de Johnny en avait-il eu de quitter le troupeau de Cachouac avant l'explosion ? 1 sur 1000 ? Sur 10 000 ? Allait-il continuer à vivre avec cette expression inquiète mais dépourvue de curiosité dans le regard de Johnny quand il aurait 13 ans, puis 15, puis 21 ? Un Johnny qui dormirait dans un placard et chierait dans la cour ? « Au moins, nous, on a fait quelque chose », avait dit Alice Maxwell. Les yeux de Johnny commençaient à se refermer. De la main gauche, Clay le secoua énergiquement pour l'empêcher de se rendormir. De la droite, il appuya sur le bouton d'appel du portable. Il eut le temps de compter Mississippi 1 et Mississippi 2 avant que le signal appel sur le petit écran ne se transforme en « connecté ». Clayton Riddle ne se laissa pas le temps de réfléchir. « Hey Johnny D, dit-il, « faut-toi ». Et il pressa le téléphone contre l'oreille de son fils. Voilà, donc le roman se termine là-dessus, et maintenant on vous passe la fin du film. Regarde papa, il y en a un autre. Tu vas bientôt connaître mes amis, Johnny. Est-ce qu'ils seront aussi mes amis ? Et comment ? Comment ça s'appelle l'endroit où on va ? Le Canada. be afraid of the dark. Très bien, donc comme on le disait, une fin ouverte avec pas mal de justifications de pourquoi ça peut marcher mais pourquoi rien n'est certain. On sent bien ça, je trouve, dans l'écriture. Je trouve qu'on sent bien aussi le personnage bah, qui est à bout et qui tente le tout pour le tout, hein, de toute façon, comme ils ont fait pendant tout le livre, hein, en quelque sorte. Donc moi, c'est une fin que j'aime vraiment bien. Ouais, je suis d'accord. De toute façon, on en a déjà parlé longuement pendant la présentation du film, ouais. Et du roman. C'était plus pour que vous puissiez vous faire une opinion dessus, en voyant... voilà, je trouve qu'elle sort pas de nulle part comme fin, et qu'elle est logique dans la construction du roman, elle est logique avec tout ce qu'a vécu le personnage, voilà, il y a les rappels des trois personnes avec qui il a voyagé, donc Tom, Jordan et Alice. Et voilà, c'est vraiment... Je trouve que ça arrive bien à être la fin d'un parcours, et quoi qu'il y ait après, comme tu le disais, c'est un nouveau départ dans tous les cas. Voilà, c'est ça. Ou une arrivée. Ouais. C'est ça. C'est une conclusion. Enfin, pour moi, c'est une conclusion. Ouais. Et la fin du film, en fait, c'est pareil. Elle sort pas de nulle part non plus. Hein. Oui. C'est une conclusion. Pour le coup, le film étant bien plutôt dramatique, loin d'être fun, lui, contrairement au roman. Oui. C'est une fin aussi logique avec ce que le film en raconte. C'est juste que bah, il faut accepter les mauvaises fins dans les films ouais. déjà. Mais j'aime bien justement ce côté. Et là, c'est le moment où je trouve que ça fonctionne bien dans le film. Le côté lumière très saturé quand ils sont sur la route avec son fils. Parce que ça, du coup, ça a une vraie vision. D'après-vie. Là, oui, effectivement, paradis. C'est dommage que les effets spéciaux soient pas... Ah oui, non, tu veux dire vraiment la scène avant qu'il soit en foule dans la foule. Avant qu'il soit en foule. Oui, effectivement, oui. C'est vraiment la scène où il est... Pour son esprit, il a réussi. Oui, ça fait trop joyeux, effectivement. Voilà, là t'as une lumière qui est saturée, bah, c'est la même lumière que t'as habituellement dans tout le reste du film, sauf que là, ça colle bien avec cette vision de paradis pour lui, quoi, puisqu'il pourrait être un paradis d'avoir retrouvé son fils. Et après, oui, t'as l'effet de foule un peu dégueu. Non, je me disais, il faudrait, s'il y a un nouveau remake de Cimetière, faut donner le rôle à John Cusack, vu que visiblement il fait tous les parents qui ont des gros problèmes avec leurs enfants chez King. C'est vrai. Parce que Mi 408, c'était aussi une des grosses thématiques. Et bah, il aime bien sombrer dans la folie. Ouais. C'est la dernière fois qu'on verra d'ailleurs Cusack pour le coup. L'adaptation de King. Ouais, je crois, ouais. Je crois. Bah, Samuel Jackson aussi. Samuel Jackson aussi. Sauf si d'ici là, peut-être. Oh bah peut-être, on n'est pas à l'abri qu'ils en refassent un. C'est ça. Pourquoi pas, à la limite. Peut-être qu'il va doubler, il va doubler Christine dans la nouvelle adaptation, on ne sait pas. Non, ce serait pas moi, j'achète pas la voiture déjà si c'est Samuel Jackson qui la double. Motherfucker. You want to drive a motherfucking car? C'est extraordinaire. Le GPS de l'enfer. You turn on the motherfucking right. Oh putain. Bon, on passe au classement. Eh ben on passe au classement. Allez. Comme d'hab, nous allons commencer par le classement des écrits. Classement des écrits qui compte à présent 30 récits. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, donc est-ce qu'on ferait pas un balayage total du classement ? Allez, on se fait plaisir. Allez, on se fait plaisir. Alors, nous avons donc en première position Cimetière, suivi de Charlie, La Part des Ténèbres en troisième, Dead Zone, Cujo en cinquième, Les Langoliers, Crapule de bas étage en manteau jaune, donc c'est-à-dire le premier récit de... Cœur perdu en Atlantide. La Tour Sombre en huitième, Salem, Christine, Jessie, Carrie, c'est le moment où on enchaîne les noms féminins. Ouais. On aime bien. Puis, 1408, La Peau sur les Os, Désintox, Inc, Le Fléau, Dreamcatcher, La Dernière Affaire de Mnet, La Presseuse, Vue imprenable sur Jardin Secret, Quand l'autovirus met cap au nord. Tiens, un autre récit de virus organique étrange, oui. Comme dans celui-là, du coup. Bon Ménage, Les Enfants du Maïs, Poids Lourd, Le Dentier Claqueur, La Pastorale, L'Année du Loup-Garou, Docteur Sleep, et le dernier de ce classement, qui est donc le 29e et donc pas le 30e, Grand Chauffeur. En ce qui concerne Cellulaire, Eh ben, cellulaire pour moi, déjà, ça serait du milieu de classement. Alors, ça serait du milieu de classement parce qu'il faut dire quand même qu'à partir de la 10e position, c'est quand même que des chefs-d'œuvre quasiment. Donc, ça commence à être compliqué. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est cool. Bah, j'ai limite envie de mettre cellulaire. Je le mettrais bien, moi, entre bah, Jesse et Christine. Bon, oui, c'est ce que j'aurais dit aussi. Pourquoi, toi ? Ouais, entre Jesse et Christine, ça me va bien. Ouais, en fait, pour moi, ce qui fait la différence, bah, ça va être en grande partie la fin, justement. Celle de cellulaire est plus réussie pour moi que celle de Jesse. Oui. Donc, c'est ce qui va faire que je vais le mettre au-dessus. Carrie, lui, a, comme tout premier roman, fatalement quelques imperfections. Ouais, voilà. Bah oui, moi, ça me va bien, entre Christine et Jesse. D'accord, bah, très bien. Donc, cellulaire prend la 11e place. Et maintenant, nous avons 30 titres. Ouais. C'est ça, la magie du montage. Et maintenant pour les films, donc bon, on va rappeler la liste aussi complète. Alors les films, il y en a un peu plus puisqu'il y en a 38. Ça va être un peu plus long, donc en première place, Carrie au bal du diable de Brian De Palma, suivi de Chambre 1408 de Mikael Astrom et de No Smoking d'Anurag Kashyap, puis Dead Zone de David Cronenberg, Christine de John Carpenter en cinquième, Cujo de Lewis Stig, Kingdom Hospital de Craig R. Baxley, La Part des Ténèbres de George Romero, Cœur perdu en Atlantide de Scott X, Fenêtre secrète de David Koepp en dixième, Cimetière de Marie Lambert, Les Langoliers de Tom Holland, Quicksilver Highway de Mick Garris, Children of the Corn Runaway de John Gulager, La Peau sur les os de Tom Holland, Cimetière de David Weimer et Kevin Kolsch, La Tempête du siècle de Craig Baxley, Le Journal d'Hélène Rimbauer de Craig Baxley, La Dernière Affaire d'Omnée de Rob Bowman, Le Cobaye de Brett Leonard en 20e, Couple modèle de Peter Askin, Salem de Michael Salomon, Carrie de David Carson, Peur bleue de Daniel Attias, Dreamcatcher de Lorenz Kasdan, Quand l'autovirus met cap honneur de Sergio Mimica Guézan, La Tour sombre de Nicolas Jarcel, Les Démons du Maïs 4 de Greg Spence, Détour mortel de Michael Salomon, Trucks, les camions de l'enfer de Chris Thompson en 30e. Putain, on en a vu des merdes. Firestarter 2 sous l'emprise du feu de Robert Iskov, Les Démons du Maïs de Fritz Kirsch, Les Démons du Maïs de Donald Pelmangers, Jesse de Mike Flanagan, Le Fléau de Mick Garris, The Mangler 2 de Michael Hamilton Wright, The Mangler Reborn de Eric Garner et Matt Cunningham, et Dr. Sleep de Mike Flanagan. Et c'est, bah, c'est là qu'on se souvient de l'enfer, hein, tu vois. Oh la vache, l'enfer traversé, là. Et donc, cellulaire... Où est-ce que tu verrais, du coup, cellulaire ? Bah, cellulaire, on... Bah, du coup, enfin, pour moi, c'est un milieu de classement aussi. Hein, mais... Ouais, c'est ça. Pour moi, ça va être... Je dirais soit avant, soit après La Dernière Affaire d'Omnée. J'ai du mal à prendre la décision parce que le début de La Dernière Affaire d'Omnée, je le trouve plus réussi, clairement, que cellulaire, mais la fin est chiante, la fin de l'épisode. Ouais. Moi, je le mettrais quand même en dessous. Ouais. Ouais, moi, je le mettrais en dessous. Mais quand même au-dessus du cobaye ? Oui, quand même. Ouais. Parce que le cobaye, c'est pas possible. C'est ça, c'est plein de bonne volonté, hein, le cobaye, mais. Le cobaye, c'est plus possible. Ouais. Bon, bah, d'accord. Donc, Cell va prendre la 20e place entre La Dernière Affaire d'Omnée et Le Cobaye. Voilà. Très bien, donc c'est fini pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. On va reprendre un rythme régulier, normalement. Donc, nous revenons dans 2 semaines avec un gros morceau, puisque dans 2 semaines, c'est ça. Donc, c'est la première fois qu'on parle du roman et on parle des adaptations d'Andy Muschietti, cette fois-ci. Ou André Muschietti, je ne sais pas lequel est le... Et son vrai nom. Pour le coup, vu que c'est pensé, même si c'est 2 films, vu que c'est pensé en finale comme une longue histoire, comme un seul film, on va traiter les 2 chapitres. Oui, c'est ça, bah, comme on le fera d'ailleurs quand ce sera le tour du ça des années 90, voilà. Quand il viendra. Donc voilà, on se retrouve dans 2 semaines. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur Twitter. @cinémaarchiviste pour toi, au gré des bulles pour moi. J'ai eu un bug sur ma propre adresse Twitter, c'est quand même... Tu veux que je te rappelle ton nom aussi, où ça va? Où je suis? Qui suis-je? Ah, attends, il faut que je réponde à mon téléphone portable. Sinon, vous pouvez aussi nous retrouver sur Discord, nous mettrons le lien dans la description. Bon, les autres podcasts sont toujours en pause, faut qu'on en rediscute, voilà. D'ailleurs, voilà, mais voilà. Bah, n'hésitez pas à nous faire des retours, à nous dire que vous êtes content de nous revoir, ou au contraire que vous espériez qu'on était mort, ou je sais pas ce que vous voulez. Avec Issam, on hésite, on est en questionnement sur pourquoi pas une émission où on parlerait cinéma au global sur Twitch. Ouais, effectivement. Si du coup ça serait susceptible de vous intéresser, si vous pensiez que ça pourrait être cool de se retrouver, peut-être pas de manière hebdomadaire, mais au minimum mensuel. Ouais. Dans si quelque chose de plus global, où on parlerait d'actu, de choses qu'on veut en fait. Voilà, parce qu'on n'aime pas que le cinéma horrifique, on n'aime pas que les adaptations de King, on aime tout le cinéma en fait. Ouais, c'est ça. On aime le porno aussi, on n'en a jamais parlé ça. Peut-être que si un jour il y a un porno de Christine, je ne sais pas. Des pornos de King, je suis sûr qu'il y en a, je suis juste pas sûr de vouloir chercher. Hein. Mais voilà, si vous pensez que ça pourrait être intéressant de venir discuter un petit peu, et ça permettrait de discuter en parlant cinéma dans une émission, ça pourrait être pas mal. Si c'est un projet que vous trouvez intéressant et qui vous plairait, n'hésitez pas à nous le dire sur le Discord. Voilà. Et bien en attendant, nous vous disons à bientôt, à dans 2 semaines, et n'oubliez pas que le vidéoclub de Casserole-Lorec est ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Salut. Salut.